Salut Charline. Alors j'ai une grande nouvelle. Guillaume arrête l'émission. Hein ? Non, on a un nouveau chroniqueur aujourd'hui. Ah, génial. C'est surtout pour toi, Alex. C'est la villa. Non, parce que physiquement c'est pas vraiment ça. C'est dans quel domaine ? Alors comme je trouve qu'Alex doit faire des progrès en musique. Shaim. Non, parce que physiquement c'est pas vraiment ça. Allez, c'est qui ? C'est Joub. Joub ? Oui, bah Joubaka, notre programmateur musical. Mais pourquoi il connaît quelque chose en musique, le type qui programme cette émission. Salut l'équipe. Salut Joub. Bonjour monsieur. Il est balèze. Oh là là, il fait un peu. C'est les tatouages, ça fait virer. Ah bah ça. Et qu'est-ce que j'ai à faire là, moi, finalement? Ah bah, il faudrait que tu expliques la musique à Alex. Non, ça va aller. Ah bah, c'est Alex. Non, franchement, vous devriez être médecin, monsieur. Ah bon? Bah, quand je vous vois arriver, j'ai plus envie d'être malade. Oui. Alors, d'ailleurs, Joub, Alex est très malade. Non. Ah, bon. si, tu souffres de bonne musicophobie, toi. Non. Ah bah, si. Qu'est-ce que t'écoutes comme musique, Alex? Michel Thor? Pas compris. Michel Thor, j'aime bien, monsieur. Michel Thor? T'es malade, t'es condamné. Alors, c'est pour ça que tu es là, Joub. Non. Ouais, mais moi, je vais le prendre sous mon aile, Alex. Et je vais l'emmener dans mon bureau. Je vais te mettre du bon son dans les oreilles. Aïe, j'ai mal. J'ai peur pour Alex. Je pense qu'on a été trop loin. Bonjour la France Inter. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui retourne l'actualité comme une crêpe. Et voici les trois informations qui vont rester collées au plafond. François Hollande menace d'interdire les manifestations. Voici notre réponse. Liberté ! La France est une monarchie sans perruque où l'élite parisienne est protégée des gueux par une enceinte périphérique. C'est la vision du Financial Times et c'est aussi celle qu'ont certains membres du gouvernement depuis les fenêtres de leur ministère. Je crois qu'ils s'approchent de la maison et qu'ils sont tout autour. Du calme. Marie-Antoinette s'est trouvée dans la même situation aux Tuileries et elle n'a pas perdu son self-control. Le 11e Hellfest commence demain à Clisson en Loire-Atlantique. C'est le festival de hard, full metal jacket rock, de black metal et un peu de bière aussi. Hier soir, en fait, on est rentré, on était un peu pété avec des copains et du coup, on s'est fait tatouer le cul. Bon, on a dit, on fait un truc assez petit, mais pas tant que ça, en fait. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui pour qui le métal s'est joué de la batterie avec des clés de 12. Je vais y aller au Hellfest. Bonjour, Charline Vadoudaker. Et aujourd'hui, eh bien, une équipe avec du renfort, 17h20, le petit nouveau. Il me fait peur au moins autant par son physique que par ses goûts musicaux. Bonjour, monsieur Joubaka. Salut. C'est bien parti, de quoi on va parler? Je sais pas. Non, de The Inspector Clouseau. Très bien. Vous connaissez pas ça? Non. Ah bah c'est bien. On va si c'est la Panthère Rose. 17h30, celui qui fait peur à tout le monde, et ça quand on le voit, c'est clairement pas à cause de son physique, c'est Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Et ben moi je suis allé à un colloque d'économie organisé par le Figaro. Oh. Et moi vous le savez, j'ai un problème avec l'économie vue par le Figaro. Il y a une phrase qui est très simple, qui va vous régler votre problème tout de suite, qui s'appelle « Vierge devant l'adversité ». Voilà, moi ça me rappelle le titre d'un porno, mais bon, plus de réponses tout à l'heure. Et 17h40, elle, si elle me fait peur, c'est dû à ses grands yeux noirs, qui sont sa seule réponse quand je aventure à lui faire un compliment sur son physique. C'est Clara Dupont-Moneau. Bonjour Alex. Voilà, c'est cela. De quoi on va parler? De la Corse et d'un roman policier. Très bien. Oh. Et le référent de la République du jour est né sous Charles de Gaulle. Oh. Vous écrivez dans Les Un Rock à partir de 91 quand Metallica sort son album Metallica. Vous quittez Libération en 97 quand Florent Pagny chante Savoir aimer. Et vous créez la revue Charles en 2012 quand Copé et Fillon recomptent les voix pour savoir qui est président de l'UMP. Et vous êtes Arnaud Vivian. Oui. Bonne réponse. Oui. Sur la Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Arnaud Vivian, le patron de Charles, cette magnifique revue qu'on vous recommande chaudement, littérature et politique. Cette semaine, parce que c'est trimestriel. C'est l'habitude. Charles, c'est Ramayad en couverture, racisme et politique. Ramayad qui dit il n'y a pas de Français de souche. Et il ça y a aussi. Ça jette un froid tout de suite. Et puis il y a l'élection improbable, 11 politiques fiction qui se projette en 2017 pas mal d'auteurs comme Antoine Bello, Jérémy Collado par exemple, le Thomas Legrand ou vous Arnaud Vivian. De France Inter, Thomas ouais, Legrand, tout de à France fait. Inter. Et alors vous, il y a par exemple. Alors, c'est les éditions Latengo que vous connaissez peut-être si vous lisez Schnock. oui. qu'on salue aussi, qu'on aime beaucoup. Alors, Arnaud Vivian, dans ce recueil de 11 fictions politiques qui s'appelle Élection improbable, vous écrivez la vôtre qui s'appelle Le Menhir. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais Jean-Marie Le Pen, c'est comme ça qu'il est surnommé. Avec vous, on est plongé le 27 avril 2017. Jean-Marie Le Pen disparaît dans l'entre-deux-tours qui oppose Marine Le Pen et François Hollande. Vous dites, niveau buzz, on n'avait plus vu ça depuis la disparition de Dupont de Ligonnès. Et selon vous, il prépare peut-être un sale coup pour saboter sa fille dans l'entre-deux-tours. Ouais, mais en fait, pas du tout. On va le retrouver noyé dans 50 cm d'eau, un peu comme Robert Boulin. Voilà. Voilà. Et la nouvelle, ce sont des nouvelles donc, qui imaginent l'élection de 2017, tout. C'est ça le challenge. Et donc la nouvelle se termine le jour où on retrouve Jean-Marie Le Pen. Donc on ne sait pas si c'était un suicide, un assassinat. Enfin, l'enquête n'est pas encore faite. C'est le jour du débat du second tour qui oppose donc Marine Le Pen à François Hollande. Mm-hmm. Voilà. Et donc je ne dirai pas la chute. Non, non. Et entre-temps, vous expliquez que le lundi 7 août au 2016, là, au JT de France 2, il se présente, hein, alors vous dites, dans une mise en scène où il est en duplex de Port-Joinville à l'Île-Dieu. Hein, Jean-Marie Le Pen en polo Lacoste mauve, casquette de bouliste et paire de Ray-Ban annonce qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2017 pour le Parti de la France. Le jour est bien choisi. Paris est vide, journalistes et politiques peaufinant leur bronzage entre le Var, la Corse, le Luberon. C'est vraiment inspiré de faits réels, donc. Il y a de l'enquête hein, derrière. Et l'Île-Dieu, évidemment, c'est à cause de Pétain. C'est... Oui. Voilà. Dans les rédactions comme dans les états-majors, personne n'est là pour répliquer à cette opération blitzkrieg. Pas même Marine, dont on apprendra plus tard qu'elle se prélassait dans une datcha de la mer Noire, mise à sa disposition par Vladimir Poutine. Donc tout l'art de la politique fiction, c'est de s'appuyer sur des faits très précis, une connaissance du jeu politique, et puis d'extrapoler, mais dans quel sens? J'ai l'impression qu'il faut à chaque fois, je lisais celle de Thomas Legrand aussi, une rupture très très forte dans le récit. Oui, il faut. Alors, celle de Thomas Legrand, elle est absolument géniale. Sarkozy est dans le coma. Il a eu un accident de vélo. Et donc, il est dans le coma. Et il a le Lock-in syndrome. C'est-à-dire qu'il ne peut plus parler. Il ne peut juste bouger les paupières pour dire oui ou non. Un client de paupières, c'est oui. Et deux, c'est non. Et donc, on est dans l'entre-deux-tours. Et c'est Isabelle Balkany qui vient lui raconter l'entre-deux-tours. Et donc, lui ne peut réagir qu'avec les sourcils, les paupières, en clignant une fois ou deux fois. Et c'est juste, mais hilarant. Alors, je vais raconter la... C'est pas Guénaud. Parce qu'il a des tics. Ah oui, c'est vrai. Je vais vous raconter dans la fiction de Thomas Legrand pourquoi Nicolas Sarkozy est dans le coma. Elle lui a tout raconté, sa course à vélo avec Michel Drucker au Cap Nègre, puis l'accident, la collision avec la Porsche Cayenne de Didier Barbelivien devant la propriété des Brunis. Voilà, nous lui avons passé sous silence le suicide de Didier Barbelivien. Voilà. Mais il y a toujours soit un décès, soit un accident. En fait, les analystes politiques, vous leur en voulez, quoi. Ouais, il y a beaucoup de cruauté, mais, oui. Mais surtout, c'est marrant, c'est que chaque écrivain avait été libre de faire exactement ce qu'il voulait, et tous ont choisi l'angle comique. Personne ne s'est dit on va faire une nouvelle vraiment tragique. En politique française, disons qu'on nous tend la perche quand même. Oui, on a tout le temps envie de rigoler maintenant. Et donc, une grosse rupture dans chaque nouvelle. Et finalement, ça fait penser que lors de la dernière présidentielle, il y a eu une grosse rupture qui n'était pas une fiction. DSK, c'était une rupture narrative digne d'une politique fiction, non ? Oui, je crois que si on dit 2017, l'élection improbable, c'est que à partir du moment où l'affaire DSK est arrivée, l'improbable est devenu un élément constitutionnel, si on veut, de la politique française. Et franchement, on s'attend tous à ce qu'il se passe quelque chose d'incroyable dans cette élection de 2017. Tout peut arriver, donc, 2017, l'élection improbable, 11 politiques fiction, édition Latengo. Et puis Charles, bien sûr, ou dans l'exemplaire avec Ramayade, un truc extraordinaire, vous avez retrouvé Harlem Désir. Et alors ça, c'est... on vous conseille parce que... voilà, il est là, il est dedans, il va bien. On avait oublié presque. Mais oui. Mais complètement. Mais ça, voilà, fou, c'est dans Charles. On en parle avec Arnaud Vivian. On va bien sûr reparler politique et puis on écoutera... J'adore, c'est génial. Oui, il y a un début. Mais non, c'est Goldman. Mais non, mais n'importe quoi. Vous êtes sur France Inter, il y aura bientôt Djoubaka, ça va marcher autrement, moi je vous le dis. Don't make me over. Now that I do anything for you. Don't make me over. Now that you know. The things I do to love me with all my faults. make me over. Make me over. I wouldn't change one thing about you. Just take me inside your arms and hold me tight and always be by my side. If I am wrong or right, I'm begging you, don't make me over. John Warwick, Don't Take Me Over, une magnifique chanson programmée magnifiquement par Chewbacca, notre programmateur musical. Est-ce que vous savez qui l'a reprise en français sous le titre « T'en va pas comme ça » ? Elsa. Nancy Holloway. Voilà. Et ben oui, voilà, hein, j'aime bien que rappeler à l'auditeur de Nostalgie qu'il est le bienvenu. C'est un welcome. Notre invité, c'est Arnaud Vivian, le rédacteur en chef de la revue Charles. Et autour de la table, il y a donc Chewbacca. Mais oui, pour mon plus grand bonheur, ainsi que Guillaume Meurice et Clara Dupont-Moineau. Et bonsoir. Et toujours. Bonsoir, bonsoir Clara. Et toujours l'information, bien sûr. L'information. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Hervé Mariton est intervenu dans le débat sur le Brexit et conseille aux Anglais de rester dans l'Union Européenne. C'est Hervé Mariton qui leur demande de rester. On peut considérer que c'est bon. Ouais, c'est... France Télévisions veut lancer un nouveau Plus belle la vie à Montpellier. Ah, c'est con, parce qu'à Avignon, au moins, ils auraient peut-être trouvé des bons comédiens de temps en temps. Et les brèves ? Oui, Plus belle les brèves. Et on commence donc par écouter un leader à la carrure internationale qui se prononce sur le Brexit en langue originale. Dear British friends, you will vote on June 23rd to decide if you leave or remain in the European Union. Beau. A decision that will be essential for both our nations. De qui s'agit-il ? Hervé Mariton. Mais bien sûr, vous l'avez reconnu son accent et la prise de son, à la hauteur de ses ambitions présidentielles. C'est la première fois que Mariton demande à des étrangers de rester. Hein. Oui. On reste en France avec une info urbanisme. Un concours international d'architecture est lancé pour redessiner la tour Montparnasse. Oui, Al-Qaïda aurait rendu un premier projet. Mais international. Oui, Donald Trump, le peut-être futur gendarme du monde, a des qualités. Il connaît bien le monde. Alors, je ne vous traduis pas parce que vous allez très bien comprendre ce qu'il dit. Même les Français, vous allez comprendre ceci. So Belgium is a beautiful city. La Belgique est une très belle ville. Ah ouais, d'accord. Et nous, on aimerait tellement que Trump devienne le président de Las Vegas. Culture. Oui, avec la menace terroriste et avec l'euro, la fête de la musique s'annonce cette année en demi-teinte avec des concerts reportés ou annulés. Il faut bien trouver quelques avantages au football. Oui, et au djihadisme. Une petite page euro tout de même. Oui, avec ce supporter belge dégoté par la RTBF, il s'est rendu à Lyon pour voir jouer les Diables Rouges contre l'Italie. Et puis... On a fait un peu la fête durant toute la journée, puis moi je suis monté dans ma chambre dire de faire un petit repos de 5 minutes et je me suis endormi donc j'ai pas vu le match. Pas de chance évidemment. Média France Télévisions veut lancer un nouveau Plus belle la vie à Montpellier. Bof. Bah quoi bof ? Non, mais c'est pas prendre un énorme risque dire Montpellier, Marseille, ouais. Non, Plus belle la vie à Damas. Là je dis oui. Venons-en à l'énorme scandale des audiences radio. Scandale. Le patron de Energy Group a même dit, je cite, c'est le plus grand scandale de l'histoire de la radio. Oui, il y a fraudé à grande échelle, il y a eu un braquage à main armée de Médiamétrie, dites-moi. Non, sur Fun Radio, Bruno Guillon incite les auditeurs à arnaquer les gens qui travaillent à Médiamétrie, qui les appellent pour mesurer les audiences. Écoutez. On vous dit au téléphone, bonjour, c'est Médiamétrie, est-ce que vous avez 10 minutes à nous accorder? Le premier réflexe qu'on a, on l'a tous, c'est non, j'ai pas le temps. Prenez 10 minutes. Pourquoi ? Parce que cette personne va vous poser des questions en disant « Quelle radio vous avez écouté hier matin ?» Vous dites « Fun Radio ». Hop. Et après, en rentrant du travail, « Quelle radio vous avez écouté ?» J'ai écouté Fun Radio. Et en vous couchant, j'ai écouté Fun Radio. Voilà. Faut vraiment répéter cette phrase. Mais voilà. Vous pouvez dire Fun Radio même sans nous écouter. Hein. Vraiment, c'est ça le truc. Genre. C'est ça. C'est scandaleux. Mais non, c'est hyper drôle. Ah, non, moi j'adore ça. Alors, on encourage. Ah, oui. Je le dis à nos auditeurs. Si Médiamétrie vous appelle, dites-leur que vous écoutez Fun Radio. Parce qu'on trouve ça super. Ouais. Le matin, Fun Radio. Le midi, Fun Radio. Le soir, Fun Radio. Sauf entre 17h et 18h. France Inter. Hein, on va faire un sacré audience avec ça. Passons au bref. Oui, selon une nouvelle étude, la consommation de bière préserverait les fonctions cognitives et protégerait de la maladie d'Alzheimer. Bizarre, ça. Oui, mais à Marseille, on a interrogé les supporters de foot anglais et ils se souviennent plus de rien. Ah, donc, je suis pas convaincu. Autre moi, chose de... sur Alzheimer. Oui, une nouvelle étude publiée dans le Journal of Alzheimer Disease, truc très sérieux. Alzheimer Disease, la maladie d'Alzheimer, Journal de la maladie d'Alzheimer. Bon, je sais pas qui le lit et puis les mecs le lisent plusieurs fois, j'imagine. Mais bon, révèle que pratiquer un humour déplacé, voire de mauvais goût, peut être un signe avant-coureur. Ah ouais, dis donc, heureusement que vous buvez beaucoup de bière, Alex. Vous êtes sur France Inter, matin, midi et soir, et surtout entre 17h et 18h. Il est 17h24 et vous êtes en compagnie d'Arnaud Vivian, le rédacteur en chef de la revue Charles. On va aborder avec vous le premier sujet. Le président et le premier ministre envisagent d'interdire les manifestations. C'est plus un couple exécutif, c'est Max Lamennesse. Alors certes, il y a eu des débordements en marge des cortèges mardi, principalement à cause de casseurs qui s'infiltrent dans les défilés. Car rappelons que les syndicalistes sont des manifestants professionnels. Alors comment devient-on syndicaliste professionnel ? Alors il faut passer d'abord par une école. Oui. Cette école s'appelle l'IDEM, l'Institut des Hautes Études de Manifestation. Ce sont des cours théoriques, naturellement, vous avez... apprentissage et confection de la banderole, confection de pancartes. Vous avez aussi apprentissage de slogans politiques, tels que « Paix en Israël » ou « Rehausser les salaires » ou encore « Cherbourg avec nous ». La deuxième année, c'est carrément formation de cortège et déformation de cortège, des stages dans les formations politiques de gauche et de droite, n'est-ce pas ? Et vous avez lancement du pavé, apprentissage de confection de cocktails Molotov. Ah oui, c'est intéressant. C'est très important. Jean-Yann et Daniel Prévost. Alors, interdire de manifester, Arnaud Vivian, est-ce que c'est possible en France, où la manifestation est dans l'ADN de chaque Français, leur dire « vous ne pouvez pas manifester, c'est interdit », est-ce que c'est réaliste, réalisable ça ? Bah, vous voyez bien que l'état d'urgence a été prolongé pendant des mois et des mois. Déjà, ça paraissait pas possible en France. On pensait que ça allait durer, l'état d'urgence, ça allait durer 15 jours. Le temps d'arrêter les gars qu'il fallait arrêter. Ouais. L'état d'urgence court toujours. Et donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les pouvoirs de la justice n'ont plus de contrôle sur la police. C'est ça que ça veut dire l'état d'urgence. Donc... qu'on interdise les manifestations, c'est dans le droit fil, finalement, de cette logique de cet état d'urgence permanent. Il y avait le coup d'état permanent, maintenant il y a l'état d'urgence permanent. Mais malgré l'état d'urgence, on a manifesté massivement plusieurs fois quand même. Oui, donc c'est déjà qu'on a bravé... C'est vrai que dans l'état d'urgence, il n'y avait pas l'interdiction de manifester. Ouais. L'état d'urgence ne prévoit pas quand même d'atteindre à toutes les libertés fondamentales de la démocratie française. Donc effectivement, j'ai juste rajouté une petite clause finalement à l'état d'urgence. Ah, oui. Et en plus, vous n'aurez plus le droit de manifester. Donc on aura juste le droit de regarder la télévision. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que les violences commises contre un hôpital pour enfants sont prises comme un tournant en même temps. Cette histoire-là d'hôpital pour enfants, est à prendre avec quelques pincettes. Commise voilà, par qui. Oui, c'est quand même. Violence commise par qui ? Il y a eu ce qui est frappant finalement dans ce cycle de manifestations, c'est la violence de part et d'autre. La violence policière est absolument nouvelle et effroyable. En France, on ne connaissait pas ça. Il y avait une tradition du maintien de l'ordre qui visiblement avait fonctionné. D'ailleurs, souvenez-vous, en 2005, les émeutes en banlieue, il y a eu une véritable bouffée de violence. Il n'y a pas eu de cette force-là déployée aujourd'hui. Et d'ailleurs, les spécialistes disent que les forces de police françaises ne sont plus adaptées finalement à la situation. Ils ont perdu. Ils devraient retourner justement à l'école des manifestations pour essayer de voir comment ça se passe. Même Amnesty International a réagi en disant qu'il y avait une atteinte à la liberté de manifester. L'Espagne, c'est une démocratie, pas récente certes, mais c'est une démocratie et les manifestations ont été interdites. Si la France gagne l'euro, coincé. On pourra pas faire défiler des troupes sur Mais c'est pas une manifestation. Ça ressemble un peu. Hein. Alors, c'est vrai qu'on a connu d'abord l'assignation à résidence de militants écolos pendant la COP21, puis la menace de réquisition dans les transports. Maintenant, à chaque fois, c'est une menace. Maintenant, la menace d'interdire de manifester, alors que ça doit être une exception. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui doit rester exceptionnel. Et là, on est vraiment dans une fuite en avant. Il y a un côté, le gouvernement qui menace, c'est quand même assez troublant, non? Ah oui, c'est même. Mais en même temps, le 49-3, c'est une espèce de gros flingue qu'on sort pour dire la loi passe et puis voilà, silence. Silence absolu. Donc, effectivement, il y a un usage de la violence de la part du gouvernement. La menace, c'est une forme de violence. Mmh. Ça commence comme ça. Eh bien, moi, je propose, par exemple, la déchéance de nationalité pour les manifestants. La prochaine étape, je propose vous disposer. Hein. Et si on passait à la culture, l'apaisement, grâce à la musique et à Djoubaka, notre programmateur musical. N'a pas l'air si apaisant que ça, cet homme-là. Mais complètement apaisant qu'il est. Alex, soyez attentif. Alors j'écoute. C'est pour vous. C'est pour moi. C'est pour vous. Oui, parce que en fait, je vous raconter une histoire. Quand il y a quelques années, en fait, quand un artiste français venait vous voir et vous disait, j'ai fait une tournée triomphale au Japon, à de rares exceptions près, on savait d'avance ce que ça voulait. Dire, hein. Le gars avait joué à l'ambassade et avait fait les bars français du coin. En gros, hein. L'Alliance française. C'est-à-dire pas grand-chose. Et comme personne ne pouvait vérifier ces informations, on laissait les gens de s'installer comme ça et ça faisait de mal à personne. Tout compte fait, bon, tout va bien. Et puis il y a 4 ans, quelqu'un m'amène un disque, me parle d'un groupe français qui aurait développé une aura quasi pachydermique sur place, et je reçois un très bon disque, The French Bastard, je traduis Alex. Donc... Non, j'ai compris, je pense à vous d'ailleurs. Les bâtards français, un excellent album, et puis avec ce disque, une vidéo avec deux gus, là, sur fond de Mont Fuji, énorme, qui envoie du bois devant 20 000 Japonais, complètement furieux, quoi. Ouais. Leur nom, c'est The Inspector Clouseau. C'est génial! Donc il y avait un futurine de Michelin Dax, non pas du tout. Alors en fait, les Clouseau, ils sont gascons. Et si leur nom en fait ne résonne pas du tout ici en France ou si peu, en fait, c'est qu'ils ont joué dans 44 pays, aligné plus de 800 concerts, et le tout en totale indépendance. En gros, c'est les D'Artagnan vraiment de l'autosuffisance. Ils font du bougon comme 4, mais ils sont 2. Hein ? Alors, et d'une certaine manière... Ils sont en train de vivre ce qui pourrait bien devenir l'avenir, malheureusement, de l'industrie du disque, parce que eux, des disques, ils en vendent. Ils vivent à la campagne, ils ont un studio à demeure, produisent tout à la maison. Ils préfèrent comme ça l'artisanat de haut vol que l'industrie du disque de bas étage. Alors musicalement, ils aiment le contraste, hein, sont capables de lorgner du côté de Led Zeppelin ou d'un Soulman comme Curtis Mayfield. Et donc c'est un duo... batterie, guitare, et c'est tout. Et la voix de Laurent aussi, le chanteur, toujours entre les graves et les aigus. Leur label s'appelle Fuck the Bass Player. Je traduis au chiotte le bassiste, puisque de bassiste, il n'y en a pas. Et leur dernier album s'appelle The Rock Farmer. Je traduis Le rock des fermiers. Et c'est peut-être là qu'Alex Picorette va se réconcilier avec la musique. J'explique. Yes. Quand les clouseaux se promènent aux quatre coins du monde, ils sont frappés par l'agriculture intensive, industrielle, polluante, etc. quoi. Et puis ils rencontrent des gens qui vivent la terre différemment. Il y a 3 ans, alors, fort d'avoir pu installer comme ça un système qui leur permet d'être totalement indépendants dans la musique, ils achètent une ferme. Pour avoir, en fait, à disposition leurs fruits, leurs légumes, tout ça bio. Et à côté, ils montent un élevage d'oies écolo-responsable, comme ils se pratiquaient avant l'arrivée de Monsanto. Alors, les Gascons, ils produisent comme ça du foie gras, mais un peu à tirage limité. Si vous en voulez vraiment, il faut les commander d'une année sur l'autre, parce que le temps, ils sont en concert, quoi, le résultat. Ah oui, ils vendent le foie gras, des fois, à la sortie des concerts. Alors, c'est un cercle hyper vertueux, hein, où le fonctionnement d'un groupe influence un mode de vie qui est, d'accord, pas végétarien. Mais ça a le mérite de fonctionner et de fonctionner peut-être en dehors des clous. S'ils faisaient moins de musique, ils feraient plus de foie gras. Non mais ouais, là, attends, c'est même pas fini. Tu vas voir où ils vont. Alex Vizorek. Tu vas voir où ils vont. Et en concert, on ira le voir ensemble la prochaine fois, les clouseaux ne s'interdisent rien, ni sur le temps qu'ils passent sur scène, ça peut être très long pour toi, ni sur la façon dont ils vont dérouler leur répertoire. Et pour leur nouvel album, quand même, les gars sont partis mixer le tout à Nashville avec Wayne Powell, qui a beaucoup travaillé avec Jack White, des White Stripes. Bref, on n'est pas obligé d'être prophète en son pays. Ouais. Suivez mon regard. Hein. Dernière chose, et c'est important. Le projet des Clouseaux, c'est de verser dans les rizicultures, chez eux, hein, en Gasconie, avec leurs potes japonais. Mais pour l'instant, nous, on va écouter une balade. Ça va plaire à notre réalisateur, The Run. First day of the run. Let the game begin. Show me how to stand the cold sun and the bright sun. Second day coming on. Let me take your hands. You will understand the cold sun and the bright sun. Flowers and again. You'll never fall down, go on the run. I love you sometimes and again, again. You'll never fall down, go on the run. The hard land and the warm hand. Last day coming down. Which way do we go? Take it to the end. The dark time and the light sound. Goodbye to my friend. Oh, Victor Clouzot, The Run, que nous fait découvrir Chewbacca. Chewbacca, vous nous disiez deux Gascons qui ont été numéro un au Japon devant Lady Gaga pendant 6 semaines. Non, c'est juste énorme. Hein. Tiens, ouais. Voilà le truc. Voilà, si vous regardez sur franceinter.fr. Clouzot, C-L-U-Z-O. Voilà. Yes. Merci, Joub. Bah, allez, si vous avez aimé, hashtag Chewbacca revient. Et sinon, bah, désolé. Salut. Mais non, je dis ça parce que vous avez déjà plein de compliments sur Twitter. Ouais. Très belle découverte, en tout cas. Merci, Chewbacca. Vous êtes à la bonne adresse sur France Inter avec Arnaud Vivian, que ce morceau n'a pas laissé insensible. Vous, ah, j'ai trouvé ça formidable. Ah ouais, ouais. Il a commandé trois terrines de foie gras. Arnaud Vivian, dont les fictions politiques qui paraissent dans Charles sont rassemblées, 11 politiques fictions, dans 2017, l'élection improbable, édition Latengo. Et autour de la table, Alex. Eh bien, Clara Dupont-Mono qui se prépare à nous faire rêver littérature. Et puis, le trublion de service, c'est son tour, il me semble-t-il. Oui. Guillaume Meurice. Ouais, bah moi, je vais encore vous rendre jaloux aujourd'hui. C'est pas... Parce que j'étais ce matin à l'événement que toute la France attendait, événement intitulé Big Bang économique du Figaro. Oui, ouais, c'est comme ça, j'ai une vie de rêve, et ben voilà, c'est comme ça. Alors, Big Bang, en astronomie, on sait ce que c'est. Hein, c'est l'origine de la matière qui nous compose. Hein. Oui. On a donc tous la même origine. Chewbacca et Clara, par exemple, même origine, hein, c'est étonnant. Pierre Gattaz et Scarlett Johansson, même origine, ouais, c'est étonnant. Un vieux mollusque dégénéré et Serge Dassault, même origine, mais c'est moins étonnant, évidemment. Et ben, le Big Bang économique du Figaro, c'est la même chose. C'est l'origine de toute pensée économique. C'est la base. Alors, je vous vois un petit peu trépigner d'impatience comme ça. On y va, on y vient. Alors, on commence tout de suite avec un premier expert en économie. Vous êtes prêts pour un Big Bang de l'économie ? Oui. Oh, l'ambiance de malade. Alors, attention. attention, ça va bouger. Je crois que je vais vous répéter des trucs qu'on entend 1000 fois par jour. On vit dans un monde totalement en mutation, avec des tas de choses qui bougent, etc. Ah oui, ça, on a déjà entendu ça. Non, mais surtout que le modèle, par définition, il bouge. Et pourquoi tout bougerait, sauf la relation sociale ? Ça bouge, ça doit bouger. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de raison que ça bouge pas. Mais bouger dans quelle direction ? Bah, dès que je sais, je vous le dis. Ah oui, alors, du coup, c'est un petit peu décevant, du coup. Bah, ça bouge. Au moins, on sait que ça bouge. Hein. Ça, c'est déjà ça, tout bouge, c'est le Big Bang, c'est génial. Alors le principe, c'est quoi ? Le principe, c'est d'avoir un modèle hyper clair. Et le modèle hyper clair, par définition, il va s'adapter à un monde qui bouge. Donc il doit bouger lui aussi. Donc est-ce qu'il va correspondre à court terme à ce qui se passe de bien ou pas ? J'en sais rien. Ce dont je suis certain, c'est que je crois vraiment que de toute façon, on va vers le mieux. Donc on va trouver un modèle qui nous permettra d'aller vers le mieux. Mais on va vers le mieux, mais où ? Mais comment vous voulez qu'on le sache ? Ben, je sais pas, peut-être parce que c'est ton boulot, mon pote. Hein, on dirait un guide de haute montagne paumé avec son groupe qui dit « C'est par là !» On est foutrement oculiné, mais c'est par là. Voilà, c'est rassurant. Bon alors, pour y voir plus clair, il me fallait un exemple concret, un exemple qui bouge. Parce que personne ne sait quoi. Personne ne sait dans quelle direction ça va bouger. Quand on vous dit un jour, il va y avoir des gens qui monteront dans la même voiture et qui se connaissent pas il y a 5 ans, ça fait rire tout le monde. Ben, quand on vous ah non, dit... ça s'appelait l'autostop. Non, ça s'appelle pas l'autostop. Si, ça s'appelle l'autostop, je suis désolé, ou ça s'appelle le covoiturage. Alors si c'est ça le Big Bang économique, moi je suis un petit peu déçu. Alors heureusement, j'ai pas été déçu longtemps, parce qu'ils avaient invité comme parrain une pointure dans le secteur, Jean-Marie Messier, figurez-vous. Oui, et ça, c'est la bonne idée hein, de la matinée, parce que Jean-Marie Messier, c'est celui qui a coulé Vivendi hein, à l'époque. Donc c'est une bonne idée pour qu'il fixe un cap comme ça, Jean-Marie. À la base, ça devait être le capitaine du Costa Concordia. Bon, bah, il était pas dispo, le gars. Et j'ai rencontré une personne qui a bien écouté le discours de Messier et qui pense que c'est formidable d'aller vers plus de dérégulation. A priori, c'est inéluctable. On ne pourra pas revenir en arrière, nous a dit Jean-Marie Messier. Donc, Vous pensez qu'on peut croire ce que dit Jean-Marie Messier ? On peut croire, on peut partager sa vision, on peut écouter sa vision. Parce qu'il a déjà coulé une boîte quand même. Oui, il a déjeuné hier avec Spielberg et ils ont garanti de faire le Jurassic Park avec Mario Kart en France. Quoi ? Qu'est-ce que cette histoire ? Putain, attends, j'ai l'impression qu'on est parti trop loin dans le Big Bang là. Alors je vous rappelle qu'un bang c'est aussi un système pour fumer du shit. Hein, donc peut-être qu'il avait mal lu et qu'il s'était arrêté à Big Bang et pas Big Bang de l'économie. Mais bon, reprenons s'il vous plaît nos bases. Hein. Reprenons les classiques des économistes estampillés Figaro. On peut s'inquiéter pour l'avenir sachant que une écrasante majorité de jeunes en France aujourd'hui ne rêvent que d'une chose, c'est d'être fonctionnaire. Mais c'est pas bien qu'il y ait des jeunes qui veulent faire infirmier, par exemple, ou prof. Vous pouvez être infirmier sans être fonctionnaire. Ma belle-sœur est infirmière libérale. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se soigner dans le privé, donc ils vont dans le public. Bah, écoutez, la santé a un coût. Voilà, là on retrouve les bases, voilà. C'est ça le Figaro, ok, là, d'accord, ok. Ah bah les fonctionnaires, vive le privé, d'accord. Alors moi j'ai l'impression de me moquer, mais je respecte éminemment ça. On le sait, on le non, sait. Non, mais c'est vrai. Alors je vais vous dire, je respecte tellement que si je vois un mec comme ça faire une crise cardiaque devant moi, je préviens pas les pompiers. Bah non, parce que ce monsieur il aimerait pas que je gaspille de l'argent. Hein, il est contre l'assistanat, moi je respecte. Et l'argent public d'ailleurs et son utilisation abusive, ça tombe bien, c'est une des cibles récurrentes du Figaro, hein, comme l'a confirmé ce lecteur assidu. Oui, c'est vrai, c'est une position politique. En tout cas, moi je peux vraiment témoigner la fiabilité, la confiance que je mets dans la production du Figaro. Mais pourtant, le Figaro, il touche beaucoup d'aide à la presse écrite. C'est de l'argent public, ça ? Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je crois que s'il n'y avait pas un grand capitaliste qui ait permis de cet essor, de recruter des très grands dirigeants comme Étienne Moujotte, etc., l'aide publique se serait dilapidée. C'est insuffisant. Donc, mais pourquoi ils la prennent ? Ils la prennent parce que sinon, ça pourrait être plus dramatique encore. J'entendais ce matin... Ah, mais ce n'est pas des vrais libéraux, alors ? Oui, oui, c'est bien, j'ai l'impression d'être Guillaume Meurice. Vous êtes peut-être Guillaume Meurice. Je suis complètement Guillaume Meurice. Ah oui, c'est extraordinaire. Comme quoi, on peut avoir du goût et être un expert en économie, lecteur du Figaro, et profiter de cette petite astuce pour ne pas répondre au passage à ma question. Alors, l'inverse du Big Bang pour les astrophysiciens, pardon, ça s'appelle le Big Crunch. Hein, c'est un possible effondrement de l'univers sur lui-même. Et intellectuellement, pour les économistes libéraux, je crois que ça a déjà commencé. Guillaume Meurice, merci. Guillaume qui répond, je suis complètement Guillaume Meurice. Il y a la merde complètement. C'est vrai. Il était Guillaume surpris. Meurice qui sera lâché demain matin dans les rues d'Annecy. Tout à fait. Puisque cachez-vous. Demain, nous serons en direct du Festival international du film d'animation d'Annecy à 17h en direct. Parc de l'Impérial Palace. C'est fait pour vous, Guillaume. Oh, oui. En attendant, nous sommes avec Arnaud Vivian. La France d'aujourd'hui n'est pas loin de rendre sa tête à Louis XVI. Si elle le pouvait. Oui, c'est le constat du Financial Times de Londres qui trouve que le pouvoir à Paris fonctionne encore essentiellement comme une cour royale. C'est bien entendu largement exagéré. Monsieur Geoffrin. Monsieur le Président. Monsieur Geoffrin. Laurent Geoffrin de Libération. Non, c'est d'abord Monsieur Geoffrin. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Est-ce que vous, au fond, vous n'avez pas déjà changé la Constitution ? Vous êtes le chef d'État ou le chef de gouvernement du monde démocratique qui détient le plus de pouvoir. Et au fond, est-ce que vous n'avez pas instauré une forme de pouvoir personnel, pour ne pas dire une monarchie élective ? Voici une question modérée, qui montre que M. Geoffrin de Libération est en pleine forme. Enfin, monarchie, ça veut dire héréditaire. Vous croyez que je suis donc le fils illégitime de Jacques Chirac qui m'a mis sur un trône ? Sarko et Geoffrin, un montage que l'on doit à notre confrère de la RTS, la radio suisse, Alexandre Lemierre. Alors, Arnaud Vivian, dans le Financial Times de Londres, relayé cette semaine par le Courrier International, on apprend qu'aucune capitale ne peut rivaliser avec la splendeur courtisane de Paris. Vous validez ? Non, mais ce qui est génial, c'est que ce soit le Financial Times, le FT, yeah. le journal préféré d'Emmanuel Macron, qui dit ça. Oui, c'est pas étonnant. Donc ils ont une vision quand même à la fois très juste. C'est vrai, hein. Il y a pas de perruques. Il y a beaucoup de perruches en revanche là dans ce monde-là. Il y a beaucoup de monde pour masculine aussi. Alors rassurez-nous. Oui, des perruches. Oui, j'entends par perruches des gens pour répéter le discours de la cour. Ah oui, voilà. Oui. D'accord. Donc on l'entend sur beaucoup de chaînes d'Info en continu par exemple. Ah, oui. Avec des membres du gouvernement, dit le FT, qui passent leur temps dans les palais. Entouré de douves, périphériques avec les gueux relégués dans les banlieues, c'est la vision qu'a le milieu économique londonien sur la France. Ça me fait penser à Jean-Michel Baylette, qui est secrétaire d'État à l'aménagement du territoire, qui a chassé Emmanuel Causse de son palais pour le récupérer, parce que c'était historiquement celui qui était occupé par les radicaux. Il était beaucoup plus beau, surtout. Ah oui, il est beaucoup plus beau, beaucoup plus grand. Oui. Donc on se prend vraiment pour le roi Telet dès qu'on arrive. C'est le problème, c'est vraiment les palais de la République. Hein. C'est-à-dire que chaque ministère dispose de de bâtiments absolument somptueux. Et ça, on en parle assez souvent dans Charles, parce qu'on voit des jeunes politiques qui découvrent ce monde-là. Qui est, vous êtes dans un ministère, mais vous avez des huissiers, vous n'allez pas à la machine à café, on vous apporte le café. Voilà. Ils découvrent ça avec quel œil? Est-ce que ça les fait vriller à un moment? Est-ce que c'est ça qui aussi les déconnecte? On avait le témoignage de Julien Bayou, qui à l'époque était avec... Europe Écologie Les Verts. Avec Cécile Duflot, au ministère du logement. Ouais. Et d'ailleurs, dans le bâtiment qu'a repris Jean Baillet, c'est là où ils étaient à l'époque de Cécile Duflot, et il racontait cette expérience. Julien Bayou est un jeune garçon en jean, moderne, t-shirt, et donc il était quand même, voir des huissiers qui arrivent en queue de pie, vous apporter des café. Et quand on est très de gauche, ça, comme lui. Oui, mais en même temps, c'est ça le problème. Il c'est est passé que... des heures dans la République à nuit debout, Julien Bayou. Oui, oui, bien sûr. Non, mais j'ai signalé la légère mauvaise foi de ce papier, qui crie quand même à Paris, le pouvoir est synonyme de prestige. Et pas à Londres peut-être, ouais. Et pas partout ailleurs peut-être. Bien sûr, évidemment. Mais bam, allez. C'est vrai. Ouais. Mais évidemment, oui, c'est un papier au vitriol, mais qui dit certaines vérités. Et de la même façon, la géographie, vous aurez toujours les classes aisées au centre, et là, c'est pas pour ça qu'on s'en indigne, mais vous aurez les classes paupérisées. On voit bien qu'ils préparent le Brexit, les Anglais. La voie de droite, non. Dans le courrier international, donc. Mais vous avez le crachoir, Clara Dupont-Mono. Alors gardez-le surtout, gardez-le. Oui, puisque Charline, l'actualité, c'est aussi le procès qui s'est ouvert hier à Bastia d'un ancien maire qui s'appelle Joseph Micheli. Il comparaît avec 4 complices accusés de détournement de fonds publics et de corruption. Je vois dans vos yeux, Arnaud Vivian, que vous pensez, mais quel piètre spectacle de la Corse, quelle piètre image. Heureusement, la littérature aime réparer les réputations. Je ne vous apprends rien. Elle adore colorer ce qui est terne, elle adore vernir, elle adore éclairer la bonne teinte. Quand on y réfléchit, la littérature, c'est un peu un grand institut de beauté. Et c'est exactement ce que fait Michel Bussy avec la Corse, grâce à son dernier roman qui s'appelle « Le temps est assassin ». C'est un polar, et c'est un polar qui me ressemble. C'est un polar redoutable, et si je peux me permettre, diablement ficelé. Alex, vous ne me contredirez pas. Mais surtout ce... Alors, je ne vois pas pourquoi vous faites appel à moi, mais vous contredites très peu de manière générale. Mais je me disais, il y a un blanc, c'est très bizarre. Bon, surtout ce roman. Elle a viré son attaché de presse, elle fait même son attaché de presse. Non, ce qui est intéressant, outre la bagatelle, c'est que ce roman fait de la Corse un personnage à part entière. Parce que c'est sur ces routes qu'a eu lieu, il y a très longtemps, un terrible accident de voiture dont la seule rescapée s'appelle Clotilde, et c'est elle qu'on suit durant tout le livre. Et cette Clotilde, elle veut élucider le mystère de cet accident, et c'est pour ça qu'elle revient sur les lieux 27 ans après le drame. Donc il est bien ficelé, hein, ce roman. Je vous remercie, vous parlez de moi sans doute. Mais c'est dans ces montagnes, celles de la Corse, que se cachent les disparus, et c'est à l'ombre de ces arbres que se décident les crimes. C'est elle, la Corse, qui est la vraie princesse de ce polar, trempée de soleil et de sang, mais c'est elle la vraie princesse. La géographie des romans policiers, en général, elle cible des lieux plutôt hostiles. On a souvent la forêt sombre, on a le terrain vague, on a les zones dépeuplées, ou on a la ville tentaculaire. Mais ça vous ressemble plus, déjà, Clara. Oui, tentaculaire, absolument. C'est pour ça que vous n'y comprenez rien. Et c'est pour ça, et Michel Bussy, pardon, lui, c'est exactement l'inverse. Lui, il prend l'île paradisiaque, ultra fréquentée, touristique, synonyme de farniente, donc on s'y attend pas. Et c'est là, Charline, où je vais citer Gilles Deleuze, et où je demanderai à André Manoukian, s'il nous écoute, de freiner son orgasme. Je cite « Rêver des îles, c'est rêver qu'on se sépare, ou bien c'est rêver qu'on recommence. » Il a écrit cette phrase très belle dans un livre qui s'appelle « L'île déserte ». Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que la possibilité d'une île, comme dirait Michel Houellebecq, c'est d'abord la possibilité d'un fantasme, et donc d'un roman. Et c'est sans doute pour cette raison que les écrivains sont tellement proches de l'île. Quand Jack London débarque à Hawaï en 1907, c'est une rencontre quasiment amoureuse avec cette île, au point d'y revenir en 1916, juste avant sa surdose de morphine, comme on retrouve une dernière fois la femme aimée, finalement, avant de mourir. Le récit posthume que l'on a d'Ernest Hemingway, il s'appelle comme par hasard « Île à la dérive ». C'est un texte qui est poignant, lui qui a vécu à Cuba, à Key West, et il disait que son atelier ressemble, je cite, « autant à un navire qu'à une maison ». Et même Victor Hugo, qui était pourtant en exil sur l'île de Guernesey, et ce pendant 20 ans, est tombé fou amoureux de la nature sauvage. Il a écrit « Face à la mer » dans une immense villa de 5 étages qu'on peut visiter aujourd'hui, et il n'a pas écrit des fiches de cuisine, puisque seront conçus sur Guernesey la fin des misérables, la légende des siècles et les travailleurs de la mer. Pas mal pour quelqu'un qui est en exil pendant 20 ans. Mais le voilà, le recommencement dont parle Deleuze. Et la voilà, cette fameuse séparation avec la société et aussi, du coup, avec une certaine norme. La Corse de Michel Bussy, elle dicte ses lois. C'est un bonheur, du coup, pour les auteurs de polar. Et il y a une autre auteure de polar, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Camilla Läckberg, qui écrit chez Actes Sud. Voilà, je vois les têtes se hocher dans notre innombrable public. Mais comme par hasard, elle place ses intrigues sur l'île de Graskar, en Suède. Elle a elle-même baptisé cette île, c'est le titre d'un de ses ouvrages, L'île aux esprits. Et on retrouve cette idée de monde parallèle quand Hugo dit de Guernesey, je cite, « Arbre, roseau, rocher, chez tout vit, tout est plein d'âme. » Et quand Clotilde contemple la Corse du haut de la montagne, elle sent les mémoires autour d'elle, elle se sent portée, soulevée, et elle dit l'impression de planer, comme quoi la possibilité d'une île, c'est aussi la possibilité d'une aile. Je vous remercie. Oh, je vous redonne les références. Le temps est assassin de Michel Bussy est paru aux presses de la Cité. Je suis en train de le lire. Et je l'ai pas spoilé. Non, c'est super bien. Il y a un truc qui est très fort, moi, je trouve, dans le bouquin, c'est que ça se passe dans un camping. C'est qu'ils vont en vacances en Corse dans un camping. Et c'est c'est très important parce que c'est contre aussi l'idée d'une Corse avec luxueuse, avec un tourisme de luxe. Il y a vraiment un truc populaire, une vision populaire de la Corse que je trouve très belle dans ce livre. Et vous verrez, c'est elle le vrai personnage. Merci Clara Dupont-Monod. Allez, un troisième sujet, quelques minutes pour la forme. C'est l'un des festivals les plus importants de France. Le 11e Hellfest commence demain. Festival de punk, de métal, de hard, au milieu des vignobles de Loire-Atlantique. Quand ça envoie du lourd dans les baffles, comment reconnaître le bon du mauvais hard rock? Le bon hard rock, c'est un mec qui est sur scène, tu vois, il a la guitare, et puis il crache, tu vois. Et le mauvais hard rock, le mec il a la guitare. Il sur scène, il crache, mais... Si tu veux, bon, c'est simple, le mauvais hard rock, le mec, bon, il a la guitare, il crache. Alors que le bon hard rock, bon, le mec, il a la guitare. Non, il crache. Écoute un peu ton cœur, il t'apprend la tendresse. Que désire ton âme de la délicatesse. Les inconnus. Alors Arnaud Vivian, vous qui avez travaillé aux Arocs, vous qui allez à Hellfest demain, vous avez le pass. Vous avez de la chance. C'est quoi la différence entre le bon et le mauvais hard rock alors? Je sais pas, mais il y a un truc qui m'a vraiment touché là, et là bon, je me dis que c'est du bon hard rock. C'est Iron Maiden qui a donné un concert à Paris très récemment, qui sera au Hellfest, et qui a rendu hommage sur scène à Guillaume B. de Cher, qui était le journaliste heavy metal des Arocs, qui a été assassiné au Bataclan. Oui. Et cet hommage de sur scène d'Iron Maiden, moi je trouve que ça c'est du bon hard rock. Quoi. J'ai trouvé ça beau qu'il fasse ça. Personne ne connaissait vraiment Guillaume B. de Cheff, c'est un grand journaliste de métal français. Ils ont un cœur ces gens-là donc alors. Ben ils ont un énorme Boeing avec écrit Iron Maiden, mais c'est le guitariste lui-même, le chef du groupe qui pilote son avion. Mais effectivement, ils ont aussi un gros cœur. Et alors apparemment, c'est pas du tout ringard parce que c'est vrai parce qu'il y a des tas de gens qui se précipitent, ça te coûte 200 € pour 3 jours, et sans annoncer l'affiche, le festival a vendu tous les billets en 2 semaines. Mais Christine Boutin voulait l'interdire, hein. Vous vous souvenez pas? Oui, bien sûr. D'ailleurs, la Loire-Atlantique étant passée à droite, ça a été un petit peu plus compliqué. La région donne 30 000 € au festival. Clara Dupont-Monod. Oui, on aurait tort de sous-estimer ce festival dans un article du Parisien Magazine paru la semaine dernière. De Bernard Arnault. Ben voilà, mais il y a 150 000 festivaliers, ce n'est quand même pas rien. 150 boutiques qui sont présentes, et c'est 2 millions d'euros le montant des produits dérivés. Voilà. Donc c'est bien on a ça placé plaît, la même. Pub pour le Parisien, ça c'est fait. Bon, ça, merci. Djoubaka, vous validez. Il y a un article dans Pif Gadget aussi. Ouais. Allez, pas sur Hellfest. Vivian, tradition de l'émission, à la fin, on vous propose un sketch. Et vous participez. Vous comme tous les invités, vous découvrez le texte et vous êtes Arnaud Vivian, qui prépare le prochain numéro de Charles, puisqu'au début du numéro, il y a chaque fois l'édito de François Mitterrand. Ouais. Et on s'est dit, mais comment il le prépare, ça? Et on a pensé que c'était une belle séance de spiritisme. Votre assistante, Charline Vanhoenacker, est à vos côtés. On essaye de prendre contact avec l'au-delà. Fantôme de Lhatché, es-tu là? Ah merde, apparemment, il n'y a personne. Esprit du Rainbow Warrior, vous m'entendez? Ça se trouve, il est parti faire un trek à la roche de Solitré, là. Bon, tonton, si vous êtes là, tapez un coup, quoi. Ou alors, il est parti dîner avec René Bousquet. Qu'est-ce qui se passe encore? L'esprit est arrivé! Oh, bonjour, monsieur le président. Hein, j'espère au moins qu'on n'est pas sur écoute. Non, ça c'était autrefois. Non, c'est fini, ça. Dépêchons-nous, j'ai un rendez-vous avec Elisabeth. La reine d'Angleterre ? Non, Elisabeth Tessier, imbécile. Imbécile. Restez avec nous. Hein, on vous appelle pour l'édito. Oui, alors, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez des socialistes ? Nul. Et LR, les républicains ? Nul. Et le front de gauche ? Nul. Il y a des gens intelligents à part vous ? Imbécile. Et qu'est-ce que vous pensez de l'extrême droite ? Ah, Le Pen. J'aime bien Le Pen. Ouais. Marine Le Pen ? Non, imbécile. Son père. Lui au moins piquait que des voix à la droite. Marine, elle en prend aussi à la gauche. Plus de respect. Et les syndicats ? Nul. En fait, si je vous suis bien, tout le monde est nul. Non. Il y en a un qui peut sauver la France. Nicolas Hulot. Non, imbécile. Paillettes. Ah, oui, alors moi aussi, pour faire la fête, moi j'aime bien les paillettes. Non ! Imbécile aussi, pas les paillettes, Dimitri Payet, imbécile. Mais on va quand même pas faire un édito sur Dimitri Payet, c'est une revue politique. Pourquoi pas, Charles, hein, c'est pas ce qui se fait de mieux comme revue. Bah, pourquoi vous dites ça ? Ah, si vous faisiez bien votre boulot, la revue, vous l'auriez appelé François. Ça se passe comme ça, l'édito de François Mitterrand dans Charles. En fait, c'est la stagiaire ou le stagiaire qui arrive. Bon, il y a les stagiaires, c'est tous les 3 mois. Ça tombe bien, nous, on fait une revue tous les 3 mois. Alors, on lui dit, voilà, on a un petit boulot pour commencer. Si tu dois faire l'édito de François Mitterrand. Donc, on a toute la collection complète des œuvres de François Mitterrand. Oui, parce que c'est sourcé, hein, il faut le savoir. Ouais, c'est sourcé. Et donc, on travaille sur un thème à chaque numéro. Donc là, c'était le racisme. Et donc, François Mitterrand sur le racisme. Le dernier numéro de Charles avec Ramayade en couverture, racisme et politique. Et puis, je rappelle le recueil de 11 fictions politiques qui sont parues dans Charles. Édition, ouais, La Tango 2017, L'élection improbable avec Arnaud Vivian, ou Thomas Legrand, bien sûr, ou Jérôme Leroy, ou Johan Zarca. Merci beaucoup, Arnaud Vivian. Oui, merci. Merci à vous. Tous. Et demain, super. On sera à Annecy. Voici le mot de la fin. Chance. Notre réponse au gouvernement qui veut interdire les manifs. Liberté !